Y'en a marre, je me barre à Zanzibar. Je veux voir les nanas couleur sang de Zanzibar. Assez broyé du noir dans les labyrinthes urinoirs. Fini les empoisonnements curares, la paralysie rouge noire du comptoir. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou, bisous à Bijou, bijou, bijou. Boire le lait des petites noires dans les mirques-bars. Autochtones qui sucent les beaux malabars. Nana au gros néné, aux immenses pétards, aux dents d'ivoire. Je veux m'inscrire à l'amour, à l'encre noire. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou. Bisous à Bijou, bijou, bijou. Dans mon falzar, j'emmène pas d'accessoires, de ton rasoir. Je suis raide, peint de l'art, mais raide est mon braquemar. Dieu de Dieu, quel panard, je prendrai à Zanzibar. Ah, sentir sa chaleur éjaculatoire. Gros bisous à Bibi, bisous à Cajou, bisous à Bijou, bijou, bijou. Se tirer dardard et sans radar, tout prendre en dérisoire à Zanzibar. Y'en a marre des libertés provisoires, plein le cul. Un rat, un Gaspard de laboratoire.